c'était à l'instant l'aspirateur traîneau du Père Noël. Et donc, retour au programme musical courant sur le direct live from the Alsace en direct, animé en direct sur Radio Dogmazic. X-Blues, composé et interprété par No Time et produit lui-même sous licence art libre du jazz, évidemment, puisque c'est l'émission aujourd'hui comporte essentiellement du jazz. Du 4 janvier 2009, un mois et demi déjà de retard pour vous présenter ça, le retard que je suis en train d'essayer de rattraper. C'était No Time sous licence art libre et on passe à Wormhole, le trou du ver. Un trou de ver, donc dans le bois, dans le fromage, dans un fruit, dans n'importe quoi, peu importe. On peut trouver des vers de terre ou des vers de n'importe quoi. Premier morceau, 01 Red Sea Herons, les hérons de la mer rouge, 24 août 2008. Le deuxième morceau, ça va être 02 Pimp My Freud. Et troisième morceau, Me and My Old Lady. Tout ceci sous licence Creative Commons by NCND 2.5. Donc tout ça nous a été mis en ligne le 24 septembre 2008 dans l'album Red Wood Bone. Donc l'os du bois de la respiration ou un truc comme ça, quoi. Enfin bon, mon anglais est quand même pas non plus formidable, même si j'ai une prononciation absolument invraisemblable. Je vous assure que c'est pas fait exprès. Ça vient du net, c'est sur le net label Clinical Archives. Donc Wormhole. Thank you. Thank you. Thank you. L'instant, c'était donc Wormhole qui nous a interprété trois titres d'affilée, et voilà que je sais pas pourquoi il y a un programme là qui se met en avant, qui m'empêche de lire. Vaut mieux que je lise plutôt que de vous raconter des bêtises. Red Sea Herons, Pimp My Freud et Me and My Old Lady, trois morceaux d'affilée de l'album Breathwood Bone sous licence Creative Commons by NCND 2.5, qui seront donc les trois derniers morceaux de musique de la liste, de la playlist courante, quoi, en dehors du triturer et mélanger Servé qui va démarrer d'ici quelques instants, bon, qui est en fait un générique, hein. Donc on avait du free jazz à l'instant, quelques élucubrations inharmoniques, arythmiques, atonales, déstructurées, un jazz comme on l'aime bien ici d'ailleurs, et qui fait fuir un petit peu aussi certains qui vont faire fuir les producteurs assoiffés de sang ou de je ne sais trop quoi, enfin de cents peut-être plutôt. Quoique bon, ils se contentent pas de quelques centimes, je crois. Hein. Et donc d'ici 4 minutes, ben, nous allons passer le relais à Makeface Radio avec le Fikin Mix d'abord et ensuite Silence Sonore. Et donc, ça va être relayé sur Radio Dogmazic. Et donc là, à l'instant, c'était le direct live from the Elsass. Alors, Me and My Own Old Lady, qu'il ne faut surtout pas confondre avec le truc de Mosinor, là, qu'il a mis en ligne, comment ça s'appelle, là la John Byrne avec John Byrne et quelqu'un avec les mêmes une histoire de mémère quoi non ça y avait un truc là qu'il avait fait à propos du peer-to-peer d'ailleurs qui était assez une espèce de pastiche là ce qui était assez drôle que j'essaye de retrouver. La mémère dans la peau, voilà, excusez-moi, il y a eu un petit blanc là, ça s'appelait la mémère dans la peau quoi en fait, hein. Et donc le type quoi qui trouve des choses un petit peu bizarres sur le peer-to-peer, qui ne sont pas tout à fait, c'est pas tout à fait le film qu'il attendait, enfin bon c'est peut-être pas non plus la bonne recherche. Alors évidemment je rappelle que sur les réseaux peer-to-peer, il ne faut télécharger, je ne soutiens absolument pas, les infractions aux lois sur le droit d'auteur. On ne télécharge que des choses qui sont dûment autorisées, pour lesquelles les auteurs et l'ensemble des ayants droit ont donné l'autorisation pour ce type de diffusion. Ça, je tiens à le rappeler. Je ne soutiens absolument pas quelque piratage que ce soit. Et donc là, c'est le blues du vinyle que l'on aura en fait en générique avant de passer la main à Makeface Radio. Donc je vous laisse en compagnie de ce blues du vinyle qui est un remix d'un morceau de dodécaèdre Acid New Year que l'on a entendu tout à l'heure. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous retrouverai. Alors je ne vous promets pas pour mardi, peut-être une heure mardi, mais sinon si ça ne se fait pas mardi, bien dimanche prochain de nouveau, et ça sera consacré au jazz, entièrement du jazz.